In a moment, the next dialogue. But first... Voici les nouveaux mots et phrases. Here are the new words and phrases. Écoutez le français, l'anglais, le français encore et répétez. Un magasin. A shop. Un magasin. Acheter. To buy. Acheter. Des livres. Some books. Des livres. Si. If. Si. S'il y a. If there is. S'il y a. Un guide. A guide. Un guide. Tout. All. Tout. Les magasins. The shops. Les magasins. Du quartier. Of the area. Du quartier. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup.